va. Au début du rêve, on est genre dans un appart et je regarde par la fenêtre. L'immeuble d'en face, il y a des gens qui sont en train de baiser. Et le mec, il accroche la meuf à une corde et il la lâche dans le vide. Et là, il y a une autre d'autres cordes qui arrivent. Mais genre un système de cordes de ouf. Et du coup, avec mes potes, on se dit, putain, mais on va la suivre, elle va où? Et là, on la suit, et on est au paradis, en fait. On n'était pas morts, tu vois. Et tout d'un coup, genre, je vais explorer, et je découvre qu'il y a des méga grilles, et qu'en fait, genre, 80% du paradis appartiennent à, genre, un propriétaire hyper riche. Et genre, vraiment, c'était énorme. Enfin, c'était genre un domaine, mais genre de méga bourge. Please leave quietly. Et tout d'un coup, on nous dit, il faut partir du paradis, les gars. Tac, tac, on se barre. Là, on est dans la voiture. Et on s'arrête dans un méga marché, genre incroyable. Et j'achète du pain. Et je me suis réveillée. Nova ? C'était un cool rêve, mais un peu angoissant. Et je sais pas, genre j'avais eu vertige quand même en allant au paradis. Pour que tu rêves encore. Puis j'avais le seum parce que je faisais pas partie des riches, tu vois.